Dieu disciplinera quiconque participera à la Sainte Cène sans craindre Dieu et en ayant du péché dans son cœur. » Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Juste avant sa crucifixion, lors du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, Jésus leur a symboliquement expliqué sa mission en instituant ce que nous appelons communément la Sainte Cène, le repas du Seigneur ou la communion. En se servant du pain et du vin, Jésus a expliqué la nouvelle alliance qui entrerait en vigueur après la crucifixion. Dans l'émission d'aujourd'hui, Charles Stanley nous explique qu'en participant à la Sainte Cène, les chrétiens et l'Église se rappellent cette alliance fondée sur le sang de Jésus versé à la croix. Notre participation au repas du Seigneur ne doit pas être une simple habitude. Tandis que Charles Stanley examine avec nous l'importance de la Sainte Cène, évaluez votre attitude envers celle-ci. Au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, à partir du verset 17, Paul traite d'un problème dans l'Église de Corinthe, un problème qui se rapporte au repas du Seigneur. À cette époque, les gens apportaient un mets à la réunion. La nourriture était mise en commun et tous participaient au repas. Pendant qu'ils mangeaient, les chrétiens pouvaient fraterniser et communier entre eux. Bref, ils passaient du bon temps ensemble. Les chrétiens ont adopté cette coutume à l'occasion des rassemblements. Ils appelaient cela un repas agapé. Les chrétiens se rencontraient dans la maison d'un chrétien et chacun apportait un mets. Ils mettaient tous en commun et mangeaient ensemble. Les chrétiens provenaient de différentes couches sociales, et je suis certain que les riches apportaient davantage de nourriture et probablement les mets les plus raffinés. Il y avait aussi des pauvres qui ne devaient pas être en mesure d'apporter beaucoup de nourriture. Certains n'avaient peut-être rien à apporter. Dans l'Église, il y avait des Juifs, des Grecs, des riches et des pauvres. Certains avaient des dons particuliers. Certains se disaient disciples de Pierre, d'autres de Paul, d'autres d'Apollos, et d'autres se disaient disciples de Jésus-Christ. Lorsque tous ces gens de différents milieux se rencontraient, bien entendu, ils prenaient le repas du Seigneur. Cependant, des problèmes se sont manifestés. Lorsqu'est venu le temps d'observer le repas du Seigneur, certains se sont enivrés. Lisons 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 34. L'apôtre Paul leur adresse des reproches. Verset 17. En donnant cet avertissement, « Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Paul dit « Vous êtes devenu pire que vous étiez avant de participer à la Sainte Cène. » Les versets 18 à 22. « Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerais-je? En cela, je ne vous loue point. » Maintenant, Paul dit quelque chose de très intéressant, les versets 23 à 30. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est pour cela. Réfère aux explications de l'apôtre Paul. Lisons les versets 31 à 33. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Les gens se disputaient au sujet de la nourriture. Verset 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. À cette époque, il y avait trois types de repas. Comme petit déjeuner, un grec trempait un morceau de pain dans du vin. Sur l'heure du midi, il prenait une collation, là où il se trouvait, sur la place du marché, par exemple. Le souper était le repas principal de la journée. On mangeait un gros repas tout en prenant son temps et en se reposant. Lorsque les chrétiens se rencontraient pour manger et qu'ils mangeaient lentement tout en se reposant, ils devenaient irrévérencieux. L'apôtre Paul devait donc discipliner les Corinthiens en leur adressant des reproches. J'aimerais d'abord que vous notiez le comportement charnel des Corinthiens qui est décrit au verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Paul avait appris que la conduite des chrétiens était inappropriée de plusieurs façons. Imaginez la scène autour des tables. Il y a des personnes riches et des personnes pauvres. Il y a des juifs, des grecs et possiblement des représentants d'autres ethnies, tels les Romains. Les personnes présentes ont différents dons spirituels. Les chrétiens présents proviennent de toutes les couches sociales. Certains pauvres, dont les chrétiens qui étaient des esclaves, n'avaient probablement pas mangé à leur faim de la journée, si ce n'est de la semaine. Plutôt que d'être liés par l'amour fraternel, de se préoccuper les uns des autres et d'être sensibles aux besoins les uns des autres à l'heure du repas, c'était du chacun pour soi. Paul leur reproche donc d'être divisés. Selon les rapports qu'il a reçus, certains chrétiens sont approuvés. Cela signifie qu'ils sont divisés. Ces divisions se manifestent au moment du repas du Seigneur. Les préjugés entre classes sociales divisent le groupe. Chacun semble avoir son pasteur ou son apôtre préféré, soit Paul, soit Pierre, soit Apollos, et pour les super spirituels, Jésus-Christ. Au verset 20, l'apôtre Paul leur dit, « Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » Paul leur reprochait de participer au repas du Seigneur avec un mauvais motif. Les gens viennent principalement pour manger, et après, ils font le repas du Seigneur. Ils ne commémorent plus vraiment le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et son sang versé pour la nouvelle alliance. En plus de participer au repas, pour une mauvaise raison, ils agissent égoïstement. Réexaminons les versets 21 à 24. Verset 21. Car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Le repas du Seigneur est devenu une véritable catastrophe. En fait, on ne peut plus véritablement l'appeler la Sainte Cène. Les chrétiens se jettent sur la nourriture pour avoir une bonne assiette, des meilleurs mets, et certains sont si égoïstes qu'il ne reste rien pour les derniers. D'autres abusent du vin, si bien qu'ils sont ivres au moment de la commémoration. Paul leur dit, « Qu'est-ce que vous faites là? C'est absolument incroyable! » Les reproches de l'apôtre Paul ne s'arrêtent pas là. Verset 22. « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? » Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerais-je? En cela, je ne vous loue point. La liste des reproches est longue. Les chrétiens étaient divisés entre eux. Ils venaient au repas du Seigneur avec un mauvais motif. Ils étaient égoïstes. Ils s'enivraient. Ils étaient irrévérencieux et orgueilleux. C'est avec cette attitude qu'ils se présentaient pour le repas du Seigneur. C'est dans cette atmosphère que se déroulait ce qui devait être une commémoration du sacrifice de Jésus-Christ. Dans les trois versets suivants, l'apôtre Paul explique la signification de la Sainte Cène, les versets 23 à 25. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous devons participer au repas du Seigneur avec le plus grand respect, en étant conscients de l'événement que nous commémorons et avec un esprit de piété. C'est un geste qui symbolise ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, ce qu'il a fait en nous au moment où nous l'avons reçu comme sauveur personnel. Notre salut est fondé sur le sacrifice du Seigneur Jésus, et nous commémorons sa mort sur la croix. Nous commémorons le fait que le Seigneur Jésus habite en nous, ce qui est entièrement vrai selon l'Écriture. Lorsque nous buvons de la coupe, nous déclarons symboliquement que nous avons été sauvés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes en relation avec lui et que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce, cette grâce ayant été manifestée à la croix. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, notre vieil homme est crucifié avec le Seigneur Jésus. Nous sommes maintenant dans une relation fondée sur la grâce. Le Saint-Esprit habite en nous et il manifeste par nous la vie de Jésus-Christ. Tout ceci est possible parce que nos péchés sont expiés par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix. L'attitude avec laquelle les chrétiens de Corinthe participaient au repas du Seigneur ne plaisait pas à Dieu. Lorsque je pense à la mort de Jésus, je dois me rappeler que j'ai été crucifié avec lui. C'est par la crucifixion de son Fils que Dieu nous sauve. Le repas du Seigneur rappelle cette vérité. Non seulement le Seigneur Jésus a-t-il été crucifié, mais je suis mort avec lui. L'apôtre Paul dit que nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Citation de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, le verset 4. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul ajoute ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul poursuit avec son avertissement au verset 26 à 30 du chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Lisons les versets 26 et 27. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » L'apôtre Paul parle ici de notre façon de prendre la Sainte Cène, et non du fait que nous soyons personnellement dignes de la prendre, car aucun d'entre nous ne l'est. Indignement signifie que nous participons au repas du Seigneur de façon irrévérencieuse ou que nous avons fait de la Sainte Cène un rituel vide de sens. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui participe au repas du Seigneur indignement irrévérencieusement dans le désordre, comme si c'était un geste insignifiant, est coupable envers le corps et le sang de Jésus-Christ. Voyons maintenant le verset 28. « Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Que chacun s'examine, que chacun examine son cœur, que chacun voit le véritable état de son cœur. Que chacun s'assure de participer au repas du Seigneur avec respect, conscient de l'événement qu'il commémore. » Au verset 29, l'apôtre Paul ajoute ceci. « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. L'apôtre Paul dit que Dieu disciplinera celui qui prendra la Sainte-Cène irrévérencieusement, sans y voir autre chose qu'un simple rituel et avec un mauvais motif dans son cœur pécheur. Cette personne s'attire un jugement, parce que certains ne voient dans la Sainte-Cène qu'un rituel frivole et qu'il y participe irrévérencieusement. Paul les avertit au sujet des conséquences de leur attitude. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Permettez-moi de vous dire ce que je pense. Nous arrivons vers la fin des temps. En effet, les jours s'assombrissent spirituellement. Le monde bascule à cause du péché. Il reste donc peu de temps avant que Dieu ne se révèle au monde, peut-être même d'une manière inattendue. Il va ainsi se manifester dans nos vies et nous montrer ce qu'il admet ainsi que ce qu'il ne tolère pas. Le peuple de Dieu doit donc s'assurer de marcher dans ses voies et d'accomplir la volonté divine. Participer au repas du Seigneur est la chose la plus sacrée et la plus pieuse que l'Église fait. Si nous le faisons tout en ayant de la jalousie, de l'envie, du ressentiment et des motifs impurs, nous serons disciplinés par le Seigneur. Si nous participons à la Sainte-Cène avec une mauvaise attitude, la discipline de Dieu est inévitable. Il peut frapper plus ou moins fort selon les circonstances. Paul explique que Dieu nous châtie afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Je ne parle pas du salut de l'âme du chrétien ou d'une condamnation éternelle pour celui-ci. Dieu jugera très sévèrement les non-croyants. Mais le croyant charnel peut faire face à un châtiment qui peut être très sévère selon les circonstances. L'apôtre Paul explique cela au verset 32. « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » L'apôtre Paul dit donc aux Corinthiens de ne pas être égoïstes lorsqu'ils se rassemblent, mais de penser premièrement aux autres. Paul n'a pas dit aux Corinthiens de cesser de s'assembler pour partager un repas. Lorsqu'ils se rassemblent pour un repas agapé, ils doivent être unis par l'amour du Seigneur, et ils doivent aimer ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une question d'être libre ou esclave, d'être grec, romain ou même juif. Ce qui compte, c'est que l'amour vous unisse et que vous vous rassembliez autour de la table pour avoir une communion fraternelle. Cela n'a rien à voir avec les vêtements que porte un individu, ni sa classe sociale, ni sa race, ni sa nationalité. Nous sommes libres lorsque nous devenons un en la personne de Jésus-Christ. Dieu veut nous enseigner une chose que nous n'avons pas encore comprise au sujet du repas du Seigneur. Nous devons comprendre ce que le Seigneur Jésus a réellement fait en mourant sur la croix. Lorsque je comprends l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le sang de Christ devient la chose la plus importante au monde, à l'exception de la parole de Dieu. Lorsque j'ai vraiment compris ce qui s'est passé lors de la crucifixion, je commence à comprendre ce qui se produit en moi. Ensuite, je comprends ce qui se produira dans l'avenir. Cependant, si je ne comprends pas la crucifixion et ses implications, je n'ai plus aucun sens de direction pour ma vie. Lorsque vous ne comprenez pas l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, vous pouvez observer un rituel qui peut être biblique, commandé par Dieu, conforme à l'Écriture, mais en fait, en l'observant, je n'adore ni ne vénère le Seigneur Jésus-Christ, surtout pas en prenant la Sainte-Cène. Je souhaiterais, d'une certaine façon, que, lorsque nous participons à la Sainte-Cène, nous nous avancions et nous agenouillions devant Dieu pour recevoir le pain et le vin. Selon moi, être assis ne convient pas exactement lorsque nous participons à quelque chose d'aussi saint et sacré que le repas du Seigneur. Lorsque nous tombons vraiment amoureux du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, que nous comprenons son œuvre sur la croix, la dernière chose dont nous nous soucions, c'est l'heure qu'il est. Lorsque nous apprenons à adorer Dieu pour ce qu'il est vraiment, nous oublions l'heure. Elle n'a plus d'importance. Tout ce qui compte, c'est qu'avec l'assistance du Saint-Esprit, nous adorions Dieu, que nous le louions, que nous lui exprimions notre amour.

mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Voilà ce que nous représentons lorsque nous prenons la Sainte Cène. Que nous puissions la prendre d'une façon qui honore Dieu, qui glorifie Dieu, à sa manière, à sa façon, en ayant le respect demandé face à notre grand Dieu, celui qui nous a donné son Fils unique, afin que nous puissions être aptes à pouvoir partager ces éléments, le fruit de la vigne et le pain en sa mémoire. Au cours de cette émission, Charles Stanley a traité du repas du Seigneur ou de la Sainte Cène. Après nous avoir expliqué la signification de la communion ou Sainte Cène, le prédicateur nous a exhortés à y prendre part avec humilité et en comprenant ce qu'on fait, car ce repas n'est pas un repas comme les autres. Aussi, avant d'y participer, préparez-vous en confessant à Dieu vos péchés et en vous repentant de ceux-ci. Réglez tous les conflits que vous avez avec une autre personne. Nous devons nous approcher de la table du Seigneur avec un cœur pur si nous voulons l'observer adéquatement. Charles Stanley a souligné un excellent point. Nous devons faire attention à la façon dont nous prenons le repas du Seigneur et le faire avec une attitude de piété. Un jour, un pasteur a observé une femme en pleurs à cause de son péché. Lorsqu'un ancien lui a présenté la coupe, elle l'a refusée. Le pasteur s'est levé et s'est fait remettre la coupe par l'ancien. Il l'a présentée à la femme en lui disant « Prenez-la, elle est pour vous. » Nous ne serons jamais personnellement dignes de participer au repas du Seigneur, mais nous devons le faire dignement, c'est-à-dire de façon respectueuse et avec une attitude pieuse. D'autres attachent plus d'importance à la forme qu'au sens du rituel. Ce qui compte, c'est de proclamer la mort expiatoire du Seigneur Jésus, d'annoncer que nous avons été crucifiés avec lui, que son sang nous purifie de tout péché et que son sang versé sur la croix a inauguré la nouvelle alliance. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.